La fureur des montagnes. On dit que lorsque les montagnes jeunes émergèrent à l'ère tertiaire des profondeurs de la Terre, les montagnes dites anciennes, nées bien avant, à l'ère primaire, n'acceptèrent pas leur venue. Ainsi, le massif central se heurta à la chaîne des Alpes dans toute sa fureur. Pliés et affaissés, les monts du massif central perdaient de leur hauteur, tandis que les Alpes ne cessaient de s'étirer jusqu'au ciel. Alors, la chaîne des volcans embrasa tout, l'air devint irrespirable, un nuage épais empêchait de voir le ciel limpide, une couche de cendres recouvrit toute vie végétale et animale. Ces deux montagnes se haïssaient, chacune revendiquant la place de première montagne de France et d'Europe, et étaient prêtes à aller jusqu'au bout de leur hargne. C'est alors que les autres montagnes, le Jura, les Vosges, plus les Ardennes, les Pyrénées, se mirent en colère. Cette dernière montagne, toute jeune, aussi reliant l'océan à la mer Méditerranée, prit la parole. « Quel rôle occupez-vous aujourd'hui toutes deux ? Êtes-vous réserve d'eau ? Refuge naturel ? Rien. Mais vous contrariez le climat qui ne sait plus où diriger les orages, où placer le soleil et les nuages. Toi, massif central, le plus ancien, tu nuis à la terre avec tes volcans que tu as réveillés pour te venger et qui nous empêchent de respirer. Toi, Alpes, pour qui te prends-tu ? Tu occupes l'espace le plus important sur la carte de l'Europe. Tu as le sommet le plus haut. Que faut-il de plus ? Le sillon rhodanien, ce couloir qui relie le fleuve Rhône à la Méditerranée, les Alpilles et toute la région bordant la mer Méditerranée. Après, mon expansion sera terminée, répondirent les Alpes. Je revendique aussi le sillon rhodanien, car tout proche de mes montagnes du Pilat, s'écria le massif central. Alors, partagez-vous ce couloir, chacun un côté, proposa le Jura. Le massif central n'était pas encore satisfait et désirait s'étendre encore un peu vers les Alpilles. Massif, lui dit solennellement les Vosges, la plus vieille des montagnes que toutes respectaient, ton domaine est aussi immense. Outre le Pilat dont on a parlé et les chaînes des volcans d'Auvergne, tu t'étends de l'Ardèche aux Cévennes, en passant par le Vivarais, le Velay, le Forez, le Mâconnais, le Charolais, les monts du Lyonnais. Les Vosges venaient de terminer lorsque Dame Nature apparut très en colère. Cessez vos outrages et vos jalousies, massif central et Alpes. La terre a besoin de vous deux comme de toutes les montagnes ici présentes, mais aussi des plaines, des rivières, des sources. Respectons la planète. Si vous persistez dans vos hostilités et vos violences, eh bien je détruirai la terre et produirai un tel cataclysme qu'il ne restera rien ici-bas, ni montagne, ni relief, rien. Puis j'irai sur une autre planète accueillante, reconstruire la vie. De ce jour, il n'y eut plus de querelle entre les montagnes, et chacune assuma son rôle, garda sa place, respecta Dame Nature, et put alors écrire son histoire. Un conte de Carmen Montet, avec la voix de Christine Berthier.